3. Il y a de la main de Sandro, dans l'église de Saint-François, en face de la porte de San Miniato, un tableau rond, représentant une Vierge entourée d'anges, grandeur nature, qui fut tenue en son temps pour une chose très belle. De sa personne, Sandro était très gai, et nombreuses furent les farces qu'il fit avec ses élèves et amis. On raconte notamment que l'un de ses élèves, nommé Blaise, ayant fait un tableau rond, pareil au susdit, afin de le vendre, Sandro le vendit pour 6 florins d'or à un bourgeois, et puis que, rencontrant Blaise, il lui dit « J'ai réussi à vendre ton tableau. Il faudra donc que ce soir nous l'attachions en haut, dans l'atelier, pour qu'on puisse en avoir une meilleure vue. Et demain matin, tu iras chez le susdit bourgeois et tu l'amèneras à l'atelier pour qu'il voie le tableau, en bon air, placé comme il doit l'être. Après quoi, il te versera ton argent. » « Oh, comme vous avez bien fait, mon maître !» dit Blaise. Sur quoi, allant dans l'atelier, il cloua le tableau dans un endroit très élevé et repartit. Cependant, Sandro et Jacques, qui étaient un autre de ses élèves, firent en papier 8 capuchons de l'espèce de ceux que portaient les citoyens de la ville, et avec de la cire blanche, ils les accommodèrent sur les 8 têtes des anges qui, dans le tableau, entouraient la Vierge. Le matin suivant, voici venir Blaise, en compagnie du bourgeois qui avait acheté la peinture et qui était au courant de la farce. Et Blaise, en entrant dans l'atelier et en levant les yeux, voit sa Vierge, non pas au milieu des anges, mais au milieu des membres de la seigneurie de Florence, coiffés de leurs capuchons. Et le voici qui veut commencer à s'excuser devant celui qui avait acheté la peinture. Mais, voyant que celui-ci ne réclame point, et fait même l'éloge du tableau, il se tient tranquille. Il accompagne le client dans sa maison et touche les 6 florins qui étaient le prix dont son maître avait convenu pour la vente du tableau. Et puis, il revient à l'atelier où, dans l'intervalle, Sandro et Jacques ont enlevé les capuchons de papier. Il voit alors que ces anges sont bien des anges et non des conseillers de la seigneurie en capuchon. Tout stupéfait, il ne sait que penser. Enfin, se tournant vers Sandro, il lui dit « Mon cher maître, je ne sais pas si je rêve ou si je suis éveillé. Ces anges, quand je suis venu ici tout à l'heure, étaient coiffés de capuchons rouges, et maintenant ils ne le sont plus. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?»« Tu déraisonnes, Blaise, » dit Sandro. « Cet argent t'a fait perdre la tête. Si ce que tu dis était vrai, crois-tu que ce client aurait acheté ton tableau ?»« Le fait est, reprend Blaise, qu'il ne m'en a rien dit, mais la chose ne m'en a pas moins paru bien étrange. » Sur quoi tous les autres apprentis l'entourent et lui en disent tant qu'ils le convainquent tout à fait d'avoir eu un égarement d'esprit. Une autre fois, un tisserand vient demeurer tout à côté de Sandro. Il avait avec lui une 8aine d'ouvriers qui, en travaillant, faisaient un tel bruit que non seulement ils assourdissaient le pauvre Sandro, mais qu'ils ébranlaient toute la maison dont les murs n'étaient pas plus solides qu'il fallait. De façon que, aussi bien que pour l'un de ces deux motifs que pour l'autre, le peintre ne pouvait ni travailler, ni rester chez lui. Plusieurs fois, il pria le voisin de porter remède à cet ennui, mais le voisin lui répondit que dans sa maison, il pouvait et voulait faire ce qui lui plairait. Alors Sandro, furieux, posa sur son mur, qui était plus haut que celui du voisin et pas très solide, une énorme pierre, de telle façon qu'il semblait qu'au moindre mouvement du mur, la pierre allait tomber et écraser le toit et les chambres et les toiles du voisin. Et celui-ci, effrayé d'un tel danger, eut recours à Sandro. Mais le peintre lui répondit avec les mêmes paroles que, dans sa maison, il pouvait et voulait faire ce qui lui plairait. Sur quoi le voisin, ne pouvant obtenir de lui d'autres conclusions, fut obligé d'en arriver à un accord raisonnable et de vivre désormais avec le peintre en bon voisinage. On raconte encore que Sandro, par plaisanterie, accusa d'hérésie un de ses amis, devant le vicario. L'ami, lors de sa comparution, demanda qui l'avait accusé et de quoi. On lui dit alors que son accusateur était Sandro, qui affirmait de lui qu'il soutenait l'opinion des épicuriens et déclarait que l'âme mourait avec le corps. Sur quoi, l'ami ayant demandé que son accusateur fût appelé devant le juge, Sandro comparut. Et l'accusé dit « Ce qui est vrai, c'est que, relativement à l'âme de ce Sandro que voici, j'ai l'opinion que c'est l'âme d'une bête. Mais, en outre, ne vous paraît-il point que c'est lui qui est un hérétique puisque, sans aucune connaissance des lettres et tout en sachant à peine lire, il se livre à des commentaires sur Dante, et puisque dans le cas présent, il s'amuse à porter de faux témoignages ? On dit encore que Sandro aimait passionnément ceux qu'il savait avoir du goût pour l'art, et aussi que, bien qu'il ait gagné beaucoup d'argent, tout cet argent est parti rapidement, Sandro étant prodigue et incapable de régir ses affaires. Enfin, devenu vieux et incapable de travailler, et cheminant avec deux béquilles, parce qu'il ne pouvait plus se tenir droit, il mourut, tout infirme et décrépit, à l'âge de 78 ans. Et il fut enterré dans l'église Ognissanti de Florence en l'an 1515. 4. Il y a de sa main dans le cabinet du seigneur duc Côme deux très belles têtes de femmes en profil. On dit que l'une est le portrait de la maîtresse de Julien de Médicis, frère de Laurent, et l'autre celui de Madame Lucrèce, de la maison des Tornabuoni, femme du susdit Laurent. La même collection contient aussi de la main de Sandro à Bacchus qui, tenant de ses deux mains un baril, l'applique contre sa bouche. Et c'est une figure peinte avec beaucoup de grâce. À la cathédrale de Pise, dans la chapelle de l'Impegliata, Sandro a commencé une Assomption avec un cœur d'ange. Mais ensuite, cette peinture ne l'ayant pas satisfait, il l'a laissée inachevée. Pour l'église Saint-François, à Montevarchi, il a peint le tableau du maître-autel. Et, à la cathédrale d'Empoli, il a fait les deux anges qui avoisinent le Saint-Sébastien de Rossellino. Il fut l'un des premiers à peindre sur des étendards et d'autres draperies, parce que les couleurs ne s'y éteignent point et montrent par-dessous la couleur du drap. Ainsi fut fait de sa main le baldaquin de l'église Or San Michele, plein de vierges, toutes variées et belles. Exemple qui prouve combien une telle manière de faire conserve mieux la toile que ne font les mordants qui l'entaillent et ne lui donnent que peu de durée. Et cependant, par économie, l'usage des mordants est aujourd'hui plus commun que l'autre. Les dessins de Sandro étaient d'une excellence toute particulière. Et lui, mort, de plus en plus les artistes se sont ingéniés à avoir de ses dessins. Et moi, dans mon recueil, j'en ai quelques-uns qui sont faits avec beaucoup de soin et de jugement. Sandro fut copieuse en figure dans ses compositions d'histoire, comme on peut le voir dans l'encadrement de la croix que portent en procession les frères de Sainte-Marie-Nouvelle et qui est tout de son dessein. Et ainsi Sandro a mérité de grandes louanges pour toutes celles de ses peintures dans lesquelles il a voulu mettre de l'application et qu'il a exécuté avec amour, comme c'est le cas pour le susdit tableau des mages de Sainte-Marie-Nouvelle, qui est vraiment merveilleux. Également très beau est un petit tableau rond de sa main qui se voit dans la chambre du prieur du monastère des Anges, à Florence. Les figures y sont petites, mais très gracieuses, et faites avec une belle application. Messire Fabio Secchi, gentilhomme florentin, possède un tableau de Sandro qui a les mêmes dimensions que la susdite adoration des mages. Ce tableau représente la calomnie d'appel, et est aussi beau que possible. Et sous ce tableau, que Sandro a donné lui-même à Antoine Secchi, son ami très intime, nous lisons aujourd'hui ces vers du susdit messire Fabio. « Iudieo quenquam ne falso laedere tentent terrarum reges parvat abelia monet. Huic similem aegypti redgi donavit apelles. Rex fuit et dignus munere munus eo. » Ici se termine « La vie des peintres italiens » par Giorgio Vasari. Traduction par Théodore de Viseva, Filippo Lippi et Botticelli, 1907.